Bonjour Hervé Pochon. Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour Cynthia, bonjour à tous. Et donc la suite de votre reportage à Montreuil pour la semaine de la folie ordinaire. Alors que vous a confié Serge? Oui, alors il faut... C'est pas Serge, c'est Fred d'abord. Fred, et absolument. Il faut on va parler lui autrement. Non, mais enfin, franchement, c'est, non, mais c'est quand même un journaliste professionnel depuis le temps qu'il fait ce métier. C'est un peu sec, votre ton est un peu sec. Oui, mais parfois il faut être un petit peu sec avec Eric, sinon il se laisse aller. Bon, enfin, allez, moi c'est allez, le temps ma chronique qui défile. Hein. Donc nous sommes à Montreuil, à la folie, pour la semaine de la folie ordinaire, dans un lieu magnifique, enfin, très intéressant, plein de créativité, qui s'intitule La parole errante. Et il y a là donc Fred, un des créateurs de Humapsi. Humapsi, qui est une association de patients, fondée par des patients. Et on est donc à l'origine de cet événement aujourd'hui, le Forum Fou. Et je suis très content parce qu'il y a énormément d'usagers. Humapsi, ça veut dire quoi? Vous voulez une psychiatrie plus humaine? Une psychiatrie qui tient compte de notre humanité. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Moi, j'ai atterri dans un service de psychiatrie vraiment dur, où j'ai été isolé, contentionné, méprisé. Au vu de ça, mes parents ont cherché une autre solution. Ils ont entendu parler du secteur. En France, la répartition de l'usager qui a mal se fait en fonction de son adresse. Si vous habitez là, vous êtes hospitalisé dans tel service. Et moi, j'avais la chance que mes parents n'avaient pas la même adresse que moi. Et du coup, ils ont prétendu que j'habitais chez eux pour que je change de service. Et j'ai atterri dans un autre service où là, on a tenu compte de ma parole. Vous pouvez peut-être donner le nom de ce service alors. Le service où je suis maintenant, c'est le centre Antonin Artaud à Reims. Et là, c'était vraiment le jour et la nuit, quoi. Je suis passé du confinement et du mépris à autre chose, où on m'a demandé ce qui m'arrivait. On a tenu compte de ce qui m'était arrivé. Et voilà. Et quelques années plus tard, avec d'autres patients, on a décidé qu'il fallait témoigner de cette pratique. Et ce qu'on se disait, c'est que peut-être qu'il faudrait que nous aussi, on établisse une échelle, comme il en existe pour l'échelle de la douleur dans les hôpitaux. Les gens disent « j'ai mal de 1 à 10 ». On pourrait dire « je suis en voie de rétablissement de 1 à 10 ». Est-ce que je peux me permettre de vous demander, vous en êtes où aujourd'hui ? 1 à 7, considérant que 0 étant le suicide, je suis remonté de 2... Et considérant que 10, ce serait pourquoi pas le retour à l'emploi, la vie familiale et le crédit pour la voiture et la maison. J'en suis à 7. Voilà. Vous souhaitez aller à 10 ou pas? Parce qu'il y a des gens, ça ne les intéresse pas d'avoir un crédit pour la voiture. Hein. Exactement, non, j'ai pas l'intention d'atteindre le 10. Le niveau 10 ne m'intéresse pas. Non. Voyez-vous, Eric, qui est en plein crédit pour votre voiture, vous êtes à 10 peut-être, mais bon, Fred, ça n'intéresse pas. Fred, bon. Vous pourrez le voir d'ailleurs à partir de mercredi dans un film qui s'intitule « Nous, les intranquilles », qui a été réalisé au centre Artaud de Reims avec les pensionnaires. Et alors, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ce film, Fred? Je vais encore reprendre un terme très à la mode, une forme d'empowerment, en quelque sorte, dans le sens où il y a eu, bon, la réalisation du film, alors ça, c'était... On est sur France Inter, donc il faut traduire empowerment. Empowerment, c'est se réapproprier sa capacité à faire, en français, et nous, on appelle ça comme ça, en réalité, notre capacité à faire nous-mêmes, quoi. Donc, on a commencé par faire ce film, et là, c'était entre nous. On était entre nous. Mais une fois que le film a été fini, il a fallu le montrer. C'est comme un objet cinématographique très étrange. C'est pas un documentaire, il n'y a pas de narration. C'est quoi pour vous la folie ordinaire? La folie ordinaire, c'est la folie qui habite tout à chacun. C'est vraiment... pour eux, on peut clairement parler de folie, mais aussi la folie du quotidien. Mathieu, un des amis avec qui on a créé l'association, un jour m'a donné une très belle image. Il m'a dit la caissière qui se lève à 6h le dimanche pour aller bosser au même prix que le lundi, c'est une forme de folie. Vous gagnez votre vie aujourd'hui ? Non, moi je gagne pas ma vie. Je vis, enfin on dirait même que je survis. Je touche la hache, l'allocation adulte handicapé. Et avec ça, on vit pas, on survit. Votre objectif, c'est de sortir de ce système-là? Ah ben non, ça me paraît compliqué. Je suis pas en état, en réalité. Je suis pas en état de me laisser asservir, j'ai envie de dire, quoi. Je peux plus. Je suis plus en capacité. Voilà, donc si vous voulez voir « Nous, les intranquilles », c'est un film de Nicolas Constant et du groupe cinéma du centre Antonin Artaud à Reims. Et c'est à partir de mercredi dans toutes les bonnes salles.